الحمد لله حق حمده ووفاه الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم المعاد والدين. أما بعد, on avait des points la semaine dernière sur le firq, الجهمية, الزيدية, الإباضية. Get? Prends ça. Ah, mon cher, fallait faire la recherche, mais pas juste. Ouais, juste Jib. T'as trouvé, non? Ah, t'as pas regardé si les firq sont dedans? Si, je sais qu'il y en a certains qui sont dedans, tu voulais quoi toi? Zaydiya, Ibadiya et Jahmiya. Jahmiya, il n'y en a pas les deux. Ouais, exact. Inch'Allah. Jahmiya, les deux autres, faut qu'on cherche, Inch'Allah. Moi, t'as pas trouvé le mot de chien. Il y avait un mot. Avec le hal. Point 10. On va faire du point 10. Point 10. Parce que là, nous, le consommat, le jidal, on ira où? Dans ce passage-là, l'explication vers la fin. Il y a ma tarsounoul, ihalou, ou l'ahfadou. Ah, maman. Je vais chercher ou pas, je crois. Juste pour savoir ce qu'on dit. Non, t'as là. Alors, la secte, al-Jahmiya. Après l'époque des Sahaba, vers le début des années 200 de l'Égypte, la secte des Jahmiya fit son apparition. Son origine est attribuée à un dénommé Jad ibn Dirham, car c'est lui qu'on entend dire pour la première fois dans l'histoire de l'islam qu'Allah n'a pas pris Ibrahim comme ami et qu'il n'a pas parlé à Moïse. Les savants parmi les tabirines ont donc décrété qu'il était un kafir pour avoir démenti la parole d'Allah et la parole de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Il fut donc exilé, puis fait prisonnier, conduit sur la place où la prière de Eid al-Adha est célébrée. Et là, il fut égorgé en public, pour qu'il soit un exemple pour ceux qui auraient partagé ses idées. Celui qui prononça la khutba était le gouverneur de l'Irak et de l'Orient, Khalid al-Qasri. Il dit à la fin de sa khutba, Rahimallah, aux gens, allez égorger vos offrandes, car moi je vais sacrifier Al-Jad ibn Dirham, car il pense qu'Allah n'a pas pris Ibrahim comme ami et qu'il n'a pas parlé à Moussa. Il descendit du minbar et l'égorgea, et cela en accord avec le consensus des savants qui ont précédé. Qu'Allah récompense Khalid al-Qasri et les savants parmi les tabirines de la meilleure récompense pour leurs actions sincères. Avant la mort de Jad, un homme appelé Jahm ibn Safwan a hérité de lui sa croyance et il arriva à la répandre en appelant les gens à l'accepter. C'est pour cette raison que cette aqida est attribuée à Jahm ibn Safwan plutôt qu'à Jad. C'est pourquoi on dit al-aqidatul jahmiya. Si nous voulons savoir où remonte la chaîne de la croyance al-Jahmiya, on découvre que Jad la tient d'un dénommé Aban ibn Sam'an, que lui-même la tient d'un dénommé Talut ibn Ukh Lubay al-A'sam. Al-A'sam. Labid al-A'sam, Labid Yahoudi. Comment le dit? Labid al-A'sam. Mektoub Lubayd. Lubayd, ouais. On bat Yako Ma'abel Johani. Après ça, il n'y a plus personne. C'est tout, ça s'arrête là. Ouais. Eh, Ma'abel Johani, c'est Khaderi. C'est la chaîne à travers laquelle a été transmise cette aqida, comme plusieurs savants l'ont mentionné. Comme on le voit bien, cette croyance Jahmiya est d'origine juive. Alors, comment un musulman peut-il adhérer aussi aisément à une croyance dont l'origine est juive? Jahm commença donc à appeler les gens à cette aqida et à débattre avec eux jusqu'au jour où cela donna naissance à une grande fitna. Il commença à faire douter plusieurs personnes au sujet des attributs d'Allah, car il reniait tous les attributs de perfection, et tous les attributs d'Allah sont parfaits, globalement et dans le détail. Il faisait croire aux gens que l'affirmation des attributs d'Allah était en contradiction avec sa perfection, et il possédait plusieurs ruses pour tromper les gens et pour les faire douter. Par exemple, il disait, si on affirme qu'Allah a des noms et des attributs, cela signifie qu'il existe plus d'un éternel, or seul Allah est éternel. Et la réponse à cet argument fallacieux est la suivante. Allah est éternel avec ses noms et attributs. Les attributs d'Allah ainsi que ses noms lui sont inhérents et intrinsèques. Cela ne signifie donc pas une pluralité d'entités éternelles en dehors d'Allah. Affirmer qu'il y a plusieurs éternels consisterait plutôt à dire qu'il existe une ou plusieurs entités autres qu'Allah qui sont éternels comme Allah est éternel. Il est important de comprendre cette différence. La fitna des Jahmiyyah est la première fitna connue dans l'histoire de la croyance sur la question des noms et attributs. La fitna des Qadariyyah se limitait uniquement au sujet du Qadar, sans entrer dans les attributs. Elle s'ajouta par la suite à la croyance des Mu'tazila. La fitna des Khawarij concernait la foi au tout début, puis elle incorpora les idées des Mu'tazila par la suite. La fitna des Shia se limitait à l'exagération envers la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puis elle fut influencée par la croyance des Mu'tazila par la suite. Cette influence s'est produite durant la période active des Mu'tazila, durant le règne du Khalifa Abbasid al-Ma'moun, comme nous l'expliquerons plus en détail, inshallah. En ce qui concerne la bid'a des Jahmiyyah et leur fitna, elles furent dénoncées de façon très sévère par les savants de la Sunna. Ils ont déclaré que les Jahmiyyah étaient égarés, ils ont conseillé aux gens de ne pas les fréquenter, mais ils ont même blâmé ceux qui leur tiendraient compagnie. Par ailleurs, ils ont écrit des réfutations de leurs livres, et ces réfutations sont bien connues des gens qui recherchent le savoir. Il est également important de mentionner que même si le terme Jahmiyyah se réfère à l'origine à la croyance à laquelle appelait Jahm et ses fidèles, les savants des salafs ont utilisé le terme Jahmiyyah pour qualifier tous ceux qui sont venus par la suite et qui ont nié les attributs d'Allah ou certains de ses attributs. C'est pourquoi on utilise le terme Jahmi pour décrire le Mu'tazili et le Ash'ari et tous ceux qui leur ressemblent dans la négation des attributs d'Allah en entier ou en partie. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله والإيمان بالميزان يوم القيامة توزن فيه الخير والشر توزن عندك توزن يوزن يوزن يوزن فيه الخير والشر له كفتان وله لسان. Il faut croire en la balance ميزان, le jour de la résurrection qui pèsera le bien خير et le mal شر. Et pour cela il y a deux balances et une parole لسان. الشرح explication. من مسائل العقيدة الإيمان بالميزان. Parmi les points de la conviction de العقيدة, le fait de croire à l'existence de la balance. الذي توزن به أعمال العباد يوم القيامة. À travers laquelle les actes des créatures vont être pesés le jour de la résurrection. قال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. لا هذه في أولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. لو تخسروا المؤمنون. العرف في الآية الأخرى خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. المؤمنون 103. Donc le premier verset sur la balance c'est l'Araf sourate 7 verset 8 et 9. Et la pesée ce jour-là sera équitable. Donc celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Voilà ceux qui réussiront. Quant à celui dont les bonnes actions pèseront léger, voilà ceux qui auront causé la perte de leur âme, parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. Sourate 7, verset 8 et 9. Le deuxième passage qui ressemble beaucoup, sourate 23, Al-Mu'minun, verset 103. Et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes, et ils demeureront éternellement en enfer. Ida thakula, comme thakulu, c'est faux, hein. Thakula, une erreur de frappe. إذا ثقل ميزان الحسنات سعد العبد. Si la balance des bonnes actions elle est lourde, la personne elle sera bien heureuse. وإذا انعكس وثقلت السيئات هلك العبد. Si c'est le contraire et c'est les سيئات qui sont, c'est le plateau des سيئات qui est plus lourd, la personne elle sera vouée à la perdition. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. سورة القارعة à la fin 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il dit le sens est quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère est un abîme très profond, sa destination. Et qui te dira ce que c'est? C'est un feu ardent. وهذا من عدل الله جل وعلا أنه يوازن بين حسناتهم وسيئاتهم بميزان يرونه. Donc il dit, ça fait partie de l'équité d'Allah qu'il va faire en sorte de peser les bons actes et les mauvais actes. بميزان يرونه, à travers une balance qu'ils vont voir. ميزان محسوس, c'est une vraie balance. Parce que certains disent c'est le sens. Cheikh dit c'est une vraie balance, une réelle balance qu'Allah il a créée. Lahu kifatan, qui a deux plateaux, ou lahu lisan, qui a une langue. توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. On va mettre les hasanat d'un côté et les sayyiat de l'autre, comme dalla ala dhalika al-kitab wa as-sunnah. Comme montre cela le Coran et le Sunnah, khilafan lil mu'tazilati alladhina yaqulun al-murad bil mawazin wal mizan iqamatu al-adl. Par exemple, les mu'tazila, ils disent qu'il y a pas de balance. Il y a pas de balance. Ils disent qu'il est voulu quand Allah dit qu'il va peser les actes, c'est-à-dire qu'il va être juste envers les gens. Wa illa falaysa hunaka mizan mahsous. Mawazin c'est quoi? C'est le pluriel de mizan. Bil mawazin, pluriel de mizan. Faman thaqulat mawazinuhu. Iqamatul adl. Mu'tazila, ils disent qu'il n'y a pas de balance. Ça n'existe pas. Ils disent quand Allah dit qu'il va peser les actes, ça veut dire qu'il va être juste, il va être injuste envers personne. Wa illa falaysa hunaka mizanun mahsous. Mahsous, ça vient de his. C'est quoi le his? Sens. Voilà, c'est les sens. Ça veut dire qu'ils disent que c'est pas un mizan réel. C'est pas un mizan mahsous que tu peux voir et que tu peux. Dont tu peux témoigner devant toi. Bina'an ala madhhabihim al-batil. Cheikh dit conformément à leur conviction qui est erronée. Li'annahum ya'tamidun ala 'uqulihim. C'est connu, les Mu'tazila, eux, ils font primer quoi? Ils font primer la raison. Ils font primer la raison sur les textes. Wa la ya'tamidun ala an-nusus. Ils se basent pas ni sur les textes d'une manière primaire, d'une manière secondaire. Fal mizan haqiqi lahu kiffatan kama ja'a fi al-ahadith as-sahiha. Donc il dit la balance, elle est réelle et elle a deux plateaux, il y en a deux côtés. Déjà, comme c'est revenu dans les hadiths sahih, on a dans la marge. Ça veut dire, on va citer par la suite quelques hadiths. وقال أبو حسن أبو الحسن الأشعري في مقالة الإسلامي في مقالات الإسلاميين قال أهل الحق له لسان وكفتان. أبو الحسن الأشعري, celui qui est à la base fondateur de madhhab al-Ash'ari, il dit dans un livre مقالات الإسلاميين, les paroles ou les expressions des, si on peut dire, des islamistes, non, il dit, hein? Maqalat al-islamiyin. Ça fait bizarre. Qala ahlul haqq, il dit les gens de la vérité, ils disent quoi? Lahu lisan wa kiffatan. Parle de la balance, il dit qu'elle a une langue et elle a deux plateaux. Tous anoufi, ihda kiffatay. الحسنات وفي الأخرى السيئات. D'un côté il y a les bons actes, de l'autre côté il y a les mauvais. وقال أهل البدع بإبطال الميزان. Il dit les innovateurs, ils disent que le mizan n'est pas réel. وقالوا موازين وليس بمعنى موازين وليس بمعنى كفات وألسن. Ils disent, أهل البدع, ils disent que il y a des balances, mais c'est pas dans le sens que il y a des plateaux, yani réels, des côtés où vont être pesés les bons et mauvais actes, et qu'il a langue, qu'il y a ألسن, yani c'est le pluriel de langue, hein, la langue. ولكنها المجازات المجازة يجازيهم الله بأعمالهم ولكن ولكن ولكنها المجازات يجازيهم الله بأعمالهم وزنا بوزن وأنكروا الميزان. Ils disent, yani c'est mujazat, ça veut dire c'est une récompense, comment Allah il va récompenser. Ça veut dire, ils disent que le mizan, ça veut dire qu'Allah il va récompenser chaque personne selon ce qu'elle a fait. Il y a pas de mizan, qui il y a pas de balance réelle. Waznan bi waznan wa ankaru al-mizan. Donc ils ont réprouvé l'existence d'une balance yawm al-qiyama. Qawluhu yuzanu fihi al-khayr wa ash-shar. Ça c'est les paroles de l'Barbahari, hein, ce qui est entre en gras là, entre parenthèses. Ça c'est les paroles de le jour de la résurrection qui pèsera le bien khayr et le mal shar. Et le mal shar, c'est-à-dire al-hasanat et as-sayyi'at. Le cheikh dit ay al-hasanat wa as-sayyi'at, les bons et mauvais actes. Qawluhu له كفتان وله لسان. Et pour cela il y a deux balances et une parole, lisan. له كفتان كما جاء في الأحاديث. يعني il a deux balances, يعني deux côtés, hein, comme c'est venu dans les hadiths. توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. Les bons actes d'un côté, les mauvais d'un autre. كما في حديث البطاقة في قصة الذي له 99 سجلا. Comme c'est venu dans حديث البطاقة. حديث البطاقة, الشيخ l'explique ou là? Je pense. Ouais. Hadith Bitaqa, c'est l'homme à la carte. L'homme qui a 99 sigil, 99 scribes remplis de mauvais actes. Sigil, c'est scribe, c'est un livre, yani, rempli de mauvais actes. Kullu sigilin minha maddu al-basar, mamlu'un bis-sayyi'at. Il dit chaque scribe, chaque livret, il est rempli maddu al-basar, c'est-à-dire là où ton regard il s'arrête. Il est rempli de sayyi'at, de mauvais actes. فيقال له هل لك من حسنة on va dire à cette personne qui va penser qu'il va être mahlouk hein vous à la perdition est-ce que tu as un bon acte فيقول لا يا ربي va dire non j'ai pas de bon acte فيتعاظم هذه الصحائف الكبيرة ويقول يعني il va voir qu'il y a trop de péchés à son sujet et il va dire لا يا ربي فيقال بلا on va lui dire si tu as un bon acte إنك لا تظلم عندك لنا عندنا لك حسنة on sera pas injuste envers toi tu as auprès de nous un bon acte فيؤتى ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله فتوضع في كفة il dit on va faire venir cette carte là qui contient les deux témoignages que Allah c'est le seul digne d'être adoré et que Mohammed est le messager d'Allah on va la poser d'un côté du plateau وتوضع السجلات في كفة et يعني les mauvais actes qu'il a cette personne là de l'autre côté فترجح البطاقة وتطيش السجلات il dit يعني que la carte elle va avoir le poids le plus lourd et السجلات elles vont comment ils disent valser haka derja français elles vont être tatish ça veut dire c'est fort hein elles vont être expulsées haka projeté voilà haka projeté fayadkhulu aljanna cette personne là elle va rentrer au paradis mais dans la marge le hadith an abdillah ibn amr qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusahu bi rajulin min ummati ala ru'us alkhalaiq yawm alqiyamah fa yunsharu lahu 99 sijillan kullu sijillin minha madd albasar ثم يقال أتنكر من هذا شيئا فيقول لا يا ربي فيقال ألك عذر أو حسنة فيهاب الرجل فيقول لا فيقال بلى إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقال إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة رواه ابن المبارك في الزهد وفي مسنده والإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه وابن ماجه في سننه وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك والبغوي في شرح السنة وغيرهم قال الترمذي حسن غريب وصح ابن حبان والحاكم على شرط مسلم وافقه الذهبي الحديث إدي سنو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم قال إدي المسجد الله صلى الله عليه وسلم أدي يصاح صبيان ده الصيح الصيحة c'est-à-dire on va crier sur une personne de cette communauté devant tout le monde le jour de la résurrection et on va faire ramener 99 scribes livres remplis de سيئات كل سجين منها مد البصر مد البصر chaque livre là où ton regard s'arrête يعني tu vois pas le bout Et on va lui dire, est-ce que tu réprouves quelque chose de cela? Il va dire non. On va lui dire, est-ce que tu as une excuse? Ou est-ce que tu as un bon acte? Il va, yahab, il va avoir l'haïba. Il va craindre, hein? Il a une crainte de se prononcer. Il va dire non. Et on va lui dire, si tu as des bonnes actions auprès de nous, et on ne sera pas injuste envers toi. On va faire sortir une carte qui contient les deux témoignages. Et on va lui dire, il va dire, Yanni, elle sert à quoi cette carte? Une carte contre 99 scribes remplis de sayyiat que je vois même pas le bout. On va lui dire, on sera pas injuste envers toi. On va apposer les livres d'un côté et la carte de l'autre. Et c'est la carte qui va remporter les années dans le poids. Fatashat isijillat, les livres vont être projetés. Et el betaqa, la carte, elle va avoir le poids le plus lourd. هذا دليل على أن هناك كفتين لهذا الميزان توضع فيهما فيها الأعمال يوم القيامة. Donc il dit ça c'est une preuve claire, pertinente comme quoi la balance elle a deux kiffas, deux plateaux, deux côtés dans lesquels on va peser les actes le jour de la résurrection. Voilà où lisan. Là où lisan ouzgal, il a une langue. Non, parole. Il a une parole. Lisan, lisan ou le mizan, معروف عند الناس. يسمونه قلب الميزان. D'accord. قلب نعم قلب ça veut dire de fait de tourner قلب الميزان الذي يميل يمنة أو يسرة فإذا تساوت الكفتان اعتدل قلب الميزان وإذا رجحت كفة مال القلب donc en fait il dit lisan le mizan la parole de la balance C'est connu chez les gens, il dit, c'est ce qu'ils appellent Qulb al-Mizan. Je sais pas s'il y a une expression française. C'est l'aiguille qui vient au milieu. Il y a une aiguille qui fait quoi? علاش؟ اه على فان مال القلب ايه الا الاولى برك اعتبر قلب الميزان مال القلب سي بلوتو قلب ايه باسكو على فان مامي ما قلب اعتدل قلب الميزان اي على فان يدي انكور رجحت كيفت رجحت كيفت ما ان فات يدي كو سي فوالا سي ليغوي يعني وسي كيل سارات ها ال فا دروات ولا فا غوش سلون سي جاما لو بوا الي ايكيفالون دان كوتي دان اوتر ليغوي ال سارات او ميليو. Et si jamais il y a un poids à un côté qui est plus lourd que l'autre, eh ben ça penche vers lui. قال المؤلف رحمه الله والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. Il faut avoir foi dans le châtiment de la tombe et de منكر ونكير. الشرح كذلك يدي également من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر. Parmi la conviction de Ahl Sunnah, la croyance ferme envers le châtiment de la tombe. Wa na'im al-qabr, et le délice de la tombe. فالميت إما أن يعذب في قبره وإما أن ينعم. La personne qui est dans sa tombe, soit elle est châtiée, soit elle est dans des délices. إلى أن يبعث يوم القيامة, jusqu'à la résurrection. والقبر هو منزلة بين الدنيا والآخرة. Dit la tombe, c'est un passage, c'est une demeure entre la vie ici-bas et l'au-delà. C'est pour ça qu'il a été nommé Barzakh. Barzakh à la base, l'aura c'est la barrière. Le cheikh il le dit derrière, le hajiz. C'est une barrière, c'est un obstacle. Il dit le Barzakh, l'obstacle, c'est quelque chose qui sépare deux choses. قال تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان سورة الرحمن 55 verset 19 et 20. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. لا يبغي المالح على العذب. L'eau qui est salée, elle ne transgresse pas, si on veut dire, ne se mélange pas avec l'eau qui est douce. العذب c'est doux. مورد العذب الزلال ليف دو شيخ احمد النجمي مورد العذب الزلال العذب سي دو صوت عذب سي ان فوا دوس من بال فوا هكا ولا يبغي العذب على المالح لو دوس نون بلو ال نو سميلونج با افيك لو سالي لان الله جعل بينهما فاصلا الله الا مين باغيير اونتر لي دو لا يختلط هذا بهذا شو لا سميلونج با افيك لوتر فالبرزخ هو الفاصل بين الشيئين لان الدور ثلاث. Il dit donc que le barzakh c'est un obstacle entre deux choses. Il y a un dour, dour, jam'u, dar, pluriel de dar. Dour, thalath, elles sont trois. Il y a trois demeures. Dar al-dunya, ici-bas. Dar al-wadar al-barzakh, la tombe. Wadar al-qarar, et la demeure de la stabilité. Imma fi jannatin, wa imma fi nar. Hadihi al-dour allati yamurru biha al-ibad. Les personnes y passent par ces demeures-là. Dar al-dunya mahallu al-amal. Dar al-dunya. محل العمل ici bas c'est le moment yani d'œuvrer, c'est l'endroit où tu peux œuvrer. ودار البرزخ وهي محل الانتظار, la tombe c'est la demeure d'attente. ودار القرار هي دار الجزاء, la demeure stabilité qui est la demeure de la récompense. والله جل وعلا يقول حتى زرتم المقابر. Allah dit dans sourate Takathur, sourate 102 verset 2, jusqu'à ce que vous avez visité les tombeaux. Fadalla ala anna al-maqabira laysat mahalla iqama. Ça veut dire que madame Ziyara, tu restes pas tout le temps. Il dit donc ça montre que c'est pas un endroit où tu vas rester éternellement. Bal al-insanu fiha mithl az-za'ir alladhi yazuru wa yartahil. Il dit la personne qui est dans la tombe, c'est comme un visiteur qui visite et après il s'en va. Il change de ja'ala المكث في المقابر زيارة لأنه يقيم فيها ثم يرتحل. Parce que il va rester dans cet endroit-là comme un visiteur et après il va changer de demeure. لكن في فترة وجوده في القبر أول ما يوضع في القبر ويسوى عليه التراب وينصرف الناس عنه وإنه لا يسمع قرع نعالهم يأتيه ملكان في القبر فيجلسانه وتعاد روحه في جسده. دي donc dans la, cette période là quand la personne elle est apposée dans la tombe, la première chose يعني quand il est apposé dans la tombe, يسوى ماذا؟ تراب. Ça veut dire qu'on remet de la terre, on ferme le trou de sa tombe, et que les gens parlent, que les gens partent, et lui il entend qara'ani alayhim, il entend le bruit de leur pas, de leurs sandales, voilà. Quand ils partent, yatihi malakan, deux anges viennent dans la tombe. Fayujlisanihi. Yujlisan, ça veut dire ils le font asseoir. Puisqu'il y a un dhamma sur le ya, ça veut dire que eux ils le font asseoir. Et l'âme, on fait revenir son âme dans son corps. Wa yahya hayatan barzakhiyya. Et voilà qu'il revit d'une manière tombale. Wa laysat mithla al-hayat allati fi ad-dunya. C'est pas comme la vie ici bas. Fa yas'alanihi l'interroge. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuk. Les trois questions de la tombe qui est ton. Les savants, ils ont dit man rabbuka ma'naha man ma'buduk. Ils ont dit ar-rabb ya'ti bi ma'na al-ma'bud. Ça veut dire que des fois on dit qui est ton seigneur, et ce qu'on veut dire c'est qui que tu adorais. Parce que le problème qu'il y a eu, les prophètes ils ont été envoyés les messagers à cause de l'ibada, pas à cause de ar-rububiyya. Donc qui est ton adoré, quelle est ta religion et qui est ton prophète. فَإِذَا جَابَ عَلَى هَذِهِ الْأَسْئِلَةِ بِجَوَابٍ صَحِيحٍ نَجَا. S'il répond à ces questions là d'une manière juste, il est sauvé. وَيَسْعَدُ سَعَادَةً لَا شَقَاءَ بَعْدَهَا. Et il sera yani bien heureux d'une manière dont il n'y aura pas de shaqa, il n'y aura pas de malheur par la suite. وَيُوَسَّعُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ. Sa tombe elle va être élargie jusqu'à que son regard perde de vue. وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ. On va lui ouvrir une porte vers le paradis. وَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا. Yani l'odeur du paradis, الروح في ما على معناه, c'est comme طيب, c'est la même chose, la senteur et le parfum du paradis va lui parvenir. وَيُؤْمَرُ أَنْ لَهُ بِفِرَاشٍ مِنَ الْجَنَّةِ. Et on va lui adonner firash. Une discouche, c'est-à-dire un matelas. C'est comme ça. Matelas. Pas un endroit où s'allonger. Ah, firash. Un endroit où s'allonger. Eh. Ah, bah, firash, fais-tu aller, frère. Il y a quelque chose qui va lui être. Il sera dans le confort, quoi. Ah, okay. Hadith, il dit ورد في الحديث البراء بن عازب ورد ذلك في الحديث البراء بن عازب رواه الطيالسي في مسنده والإمام أحمد في المسند وأبو داود في سننه والحاكم في المستدرك على الصحيحين وقال صحيح على شرط الشيخين وفقه الذهبي وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين. Donc il dit فلا يزال, ça c'est تخريج الحديث, c'est qu'on peut le trouver. فلا يزال في نعيم في قبره. La personne elle sera d'une manière continue dans son délice dans la tombe. وهذا أمر غيبي لا نعلمه. Il dit ça c'est quelque chose du domaine de l'invisible qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas connaître. فلو فتحنا percevoir, c'est ça qu'il veut dire par connaître. فلو فتحنا القبر ما وجدنا من ذلك شيئا. Il dit tu enterres quelqu'un, tu rouvres, tu vois pas toutes ces choses là qui sont informées dans le hadith. لأنهم في عالم ونحن في عالم آخر. Il dit nous on est dans un monde, un univers, lui il est dans un autre monde, un autre univers. وأما المنافق والمرتاب. Concernant l'hypocrite, le mortab, c'est quoi? Qui hésite, qui doute. Qui doute, ça vient de? Ça vient de raib. Zalik al-kitab ou la raiba fi. Raib, c'est le doute. Al-miria, c'est le doute. Al-shak, c'est le doute. Al-mortab, fa'innahu yaqul. La personne qui doutait, elle n'avait pas une conviction qui était ferme et sereine. Il va dire, idha qila lahu man rabbuk. On va dire, qui c'est que tu adorais? Qala la adri. Il va dire, je ne sais pas. من نبيك pareil لا أدري ما دينك لا أدري. À chaque fois je sais pas. حتى وإن كان في الدنيا متعلما ويحفظ المتون والشروح. سبحان الله العظيم. Il dit même si la personne ici bas c'était quelqu'un qui était instruit, et il dit c'est quelqu'un qui a appris par cœur des choses, des textes, شروح, des explications de livres, ويحفظ اللغة, c'est quelqu'un qui était posé dans le langage, c'est bien parler, s'exprimer. وهو خطيب مسقع. Ça veut dire que c'est un sermonneur qui fait effet sur les gens. Ok, Mosca. C'est quelqu'un qui fait effet sur les gens. Hein? Il ne laisse pas les gens sans effet. Hein? Justement, il ne laisse pas les gens indifférents. Voilà, il fait effet sur les gens. Faux droit. Sa'aqa, ça vient de sa'aq. Non, sa'aqa. Inch'Allah, je regarderai pour la semaine prochaine. C'est juste dans le Coran, non? Sa'aqa. Sa'aqa. C'est la même chose. C'est pour montrer un échidda, quelqu'un qui est. Il est posé. Wa mutahaddithun mufawwih. Mufawwa, c'est quelqu'un qui s'exprime d'une manière. Mufawwa, c'est comme on avait dans le Yad Salihin, ça vient de le faux, la bouche. Quelqu'un y parle et fait sur les gens. Bonne élocution. Voilà, bonne élocution. Là, iman, il dit si la personne n'a pas d'iman, فإنه يتلعثم في القبر. Ça veut dire quoi, يتلعثم? Ça veut dire il bafouille, il bégaye. Hein? C'est-à-dire la personne, pourtant elle s'exprimait bien, en fait, dunya, dans le qabr, elle va être mortab, yani douteuse, etc. Wa ya'jazu anil jawab, incapable de répondre. Indama yus'alu an hadhihi al masail yatalajlaj. Quand on va l'interroger sur ces choses-là, yatalajlaj. Ça c'est comme ayyara al ulama, ils disent al-haqqu ablaj wal batilu lajlaj. Ça veut dire le haqq il est clair, ablaj. Hein? Et le batil, il est brouillé. Il est brouillé, il est rempli de brouillard, etc. Il va dire, c'est venu dans le hadith ça. Ha ha, il y a un wahdi, il ne sait pas quoi répondre, je ne sais pas. Il va dire, j'ai entendu les gens dire quelque chose, j'ai répété. On va lui ouvrir une porte vers l'enfer. Sa tombe va être resserrée jusqu'à ce que ses côtes elles se croisent, s'entrecroisent. Sa chaleur et la fournaise de l'enfer, elle va lui parvenir. Il aura un firash de feu, contrairement à l'autre. Donc il dit le châtiment et le délice de la tombe, ils sont rapportés. Rapporté authentiquement dans le Coran, dans la Sunna. قال صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من أربع. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit demandez protection auprès d'Allah à Allah contre quatre choses. من عذاب جهنم châtiment de la tombe, châtiment de l'enfer. ومن عذاب القبر châtiment de la tombe. ومن فتنة المحيا والممات l'épreuve de la vie et l'épreuve de la mort. ومن فتنة المسيح الدجال et de la grande épreuve du faux messie. Rawahu al-Bukhari fi sahihihi wa Muslim fi sahihihi an Abi Hurayra radiyallahu anhu. Qal fa kana sallallahu alayhi wa sallam yata'awwadhu min 'adhab al-qabr. Rawahu al-Bukhari fi sahih Muslim fi sahihihi an Aisha radiyallahu anha. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il demande protection à Allah contre le châtiment de la tombe. Wa fi al-Qur'an isharatun ila 'adhab al-qabr. Il dit on a dans le Coran des versets qui montrent. Isharat, c'est des gestes hein, qui montrent, qui indiquent le châtiment de la tombe. قال تعالى ولنذيقنه من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. Sourate Sajda, verset 21. Nous leur ferons certainement goûter au châtiment ici-bas avant le grand châtiment afin qu'ils retournent vers le droit chemin. قالوا هذا عذاب القبر وقيل عذاب الدنيا. Il dit donc, il y a des savants, ils ont dit ici c'est le châtiment de la tombe. Et il a été dit que c'est le châtiment de Dunya. Cheikh Abdelaziz Sidhan, il dit que c'est le châtiment de Dunya. Pourquoi? Parce qu'Allah, à la fin du verset, il dit La'allahum yarji'un. Hein? Vous voyez le verset? Nous leur ferons certainement goûter au châtiment d'ici-bas avant le grand châtiment afin qu'ils retournent. Il dit à certains savants, ils ont cherché loin, ils ont dit afin qu'ils retournent, c'est-à-dire les gens qui étaient avec lui. Les gens qui étaient avec lui retournent. Lakin il dit Hadha fihi takalluf. Il dit, yani, c'est poussé un petit peu loin, yani, le verset. Il dit, l'asah annahu, adab al-dunya. Ça, c'est châtiment, yani, ici-bas déjà. Et d'ailleurs, le cheikh, il dit, qalu, hadha adab al-qabr. Qalu, yani, ba'd ahl al-ilm, ils ont dit, c'est châtiment de la tombe. Wa qila, et il a été dit aussi, huwa adab al-dunya. Wa fi qawlihi ta'ala fi fir'auna wa qawmihi. Et donc, ça, c'est le verset que les savants utilisent principalement. An-naru yu'radun alayha ghuduwan wa ashiyan wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashad al-adab. Donc, ce verset-là à propos de Fir'aoun, Surat 40, Ghafir, verset 46. Le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Plus dur du châtiment. Il dit, Cheikh Zahallahu Khair, il dit, yu'raduna alayha ghudwan wa 'ashiya. Les gens, ils vont être exposés à ce châtiment. Hein? Donc le verset, c'est quoi? Le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Il dit, ils sont exposés matin et soir. Hadha fil qabr, c'est dans la tombe. Lamma. Quand ils sont morts, les voilà exposés au feu matin et soir. El ghudu, c'est sabah. Kullu nafsin tardu. Fabai'u nafsahu famu'tiquha mubiqha. Ghuduwan wa 'ashiyan. 'Ashiyan, c'est l'après-midi. Kullu nas yaghdu. Fa idha qamat al qiyama yuqal. Quand la levée de l'heure va arriver, on va dire, yuqal, il va être dit, adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adab. Faites rentrer les gens. Ala, ici ils ont dit, les savants, c'est al-atba'. Lian al-ala la yastaqiman yufassar bi bil-ahl. Hein? Voilà, on peut pas traduire ici ala fir'aun, la famille de Pharaon, parce que il y a par exemple sa femme, Asiya, qui était soumise. Donc elle ne sera pas en enfer. Adkhilu ala fir'auna, c'est-à-dire faites rentrer les pharaons et les suiveurs ashadd al-'adab. Et certains mubtadi'a, ils ont dit faites rentrer les suiveurs de pharaon au châtiment. Pharaon, il est sauvé, galak. Wa qala ta'ala wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Et il dit également un verset dans sourate Taha à la fin 124. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Qala ma'ishatan dankan fil qabr. Une vie pleine de gêne, il dit, c'est dans la tombe. Dankan, c'est serré. Pleine de gêne. Ma'ishatan dank, c'est une vie qui est pleine de gêne. Lequel verset? Adkhilu ala fir'auna. De tout premier, t'as sejda. Sejda, ni cheikh, il dit, il y a deux paroles. Lakin, l'ismaat, mais quel? Ghafir, c'est au début, c'est la tombe. Tu vois? Un nar ou yu'radun. Ils sont exposés au feu matin et soir. Et le jour de la résurrection, le jour où l'heure va se lever, faites rentrer. Ça veut dire, ça montre que le jour où l'heure va se lever, c'est après. Donc, c'est quoi le feu auquel ils étaient exposés? C'est la tombe. Comme tout. Adab dunya, c'est dans le verset Sejda. On va le relire. Le verset, il dit, nous leur ferons certes goûter au châtiment ici-bas, avant le grand châtiment, afin qu'ils retournent vers le droit chemin. Afin qu'ils retournent vers le chemin droit. Donc certains, ils ont dit, le châtiment ici-bas, c'est la tombe. C'est la tombe. Lakin Cheikh Abdelaziz, il dit, ça peut pas être la tombe. Pourquoi? Parce qu'à la fin du verset, avant le grand châtiment, afin qu'ils retournent. La'allahum yarji'un. La'allahum yarji'un, pour que les gens, ils reviennent. Hein, ils se repentent. Si la personne est dans sa tombe, c'est fini de repentir. Et d'ailleurs, ils ont dit, c'est un châtiment ici-bas. Allah, il fait goûter le châtiment des personnes ici-bas déjà. Hasil. Donc, il dit, adab al-qabr fihi isharat, fil Qur'an. Il y a des versets. Ça montre, yani, c'est pas des versets qui sont d'une clarté, hein? Parce que certains, ils ont dit, yani, adab al-qabr laissa mawjoudan fil Qur'an. Cheikh Abdel Subhan, il cite ça dans Mandouma de Ibn Tahir al-Maqdisi, il dit wa hadha ghayr musallam. Il dit, on n'est pas d'accord là-dessus. Alash, parce qu'il est cité bi isharat. Il y a des versets qui montrent le châtiment de la tombe, même s'il n'est pas cité clairement. Il y a aussi le verset dans sourate Ibrahim. Le verset dans sourate Ibrahim, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Et dans la vie dernière, ils ont dit ta'ifa min ahli al-ilm, ils ont dit c'est l'akhirah. Allah, il va raffermir les gens fil akhirah, c'est dans la tombe. Dans la tombe. Fal adilla, le hadith, il dit quoi? Dhakarahu Ibn Kathir fi tafsirih. L'explication de ce verset qu'on vient de citer là, Ma'ishatan danka fil qabr, il dit, Ibn Kathir l'a évoqué dans son tafsir, أنه ثبت تفسير معيشة ضنكا تفسير معيشة ضنكا بعذاب القبر عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما. دي دونك سي رابورتي كو شاتيمون دو لا تومب يعني دون الفيرسي دو سورة طه كونت الله دي اون في بلان دو جين اي نو زالون لو رامني لو جور دو لا ريزوركسيون افوغل في بلان دو جين اي دي سي الشاتيمون دو لا تومب رابورتي دو أبي سعيد الخدري وأبو هريرة رضي الله عنهما. دونك يدي فالأدلة على عذاب القبر متواترة. سي كوا متواترة؟ التواتر التواتر انت دي كوا؟ الأخبار متواترة سي لو دوغري لو بلو أو دوتنتيسيتي. يديز سي ان دون شاك طبقة دون شاك كاتيغوري dans chaque tabaka, dans chaque époque, il y a des gens qui ont ramené de beaucoup de gens, C'est impossible, yani, que toutes ces personnes-là se sont mis d'accord pour mentir sur cette chose-là. C'est ça, tawatur. Yani, l'adilla ala adab al-qabr mutawatira. Les preuves au sujet du châtiment de la tombe, ils sont mutawatira. Ils sont, on peut pas yani démentir. Hein? Ils sont, il y a trop de gens qui l'ont cité et rapporté. فمن كذب بعذاب القبر من المعتزلة ومن نحى نحوهم فإنه مخالف للأدلة المتواترة. Ceux qui démentent cela, comme le Mu'tazila et d'autres, من نحى نحوهم, ça veut dire celui qui a pris le même chemin, qui a emprunté la même voie, le même sentier, il dit il est en non-conformité, il est en divergence avec les textes. متواترة. ويكون مختل العقيدة والعياذ بالله. Il a un manque, un amoindrissement. مختل, ça vient de خلل. Hein? Salat, quand il se dit combler les trous, il dit cette personne-là aura un trou dans sa conviction, elle aura un amoindrissement. وفاقدا لأصل من أصول العقيدة وهو الإيمان بعذاب القبر. فاقد, ça veut dire فاقد ou شيء لا يوتي. Je m'en ai فاقد. Il n'a rien. Ce qui possède pas. Il veut dire annul, non? Non. Je vous dis, je vous dis. Il lui manque un fondement. Faqid. El Faqid, il l'appelle par exemple le défunt. Cheikh Ibn Uthaymeen, mathalan, kemat. Waqila, fil Jarida, ils ont mis Faqid al-Umma. Un défunt. Quelqu'un qu'on a perdu. Hein? Faqidan li asli min usul al-aqida. Il a perdu, il a un amoindrissement, il a un manque, un des fondements dans la conviction, wa huwa al-iman bi'adab al-qabr. Qui rentre dans l'iman bi'adab al-qabr. Iman bi'adab al-qabr, il rentre dans quelle catégorie des six piliers de l'iman? إيمان باليوم الآخر لا croyance au jour dernier. فإن كان متعمدا عارفا بالنصوص لكن يكابر وينفي فهو كافر. Il dit que c'est quelqu'un qui fait ça volontairement, exprès. Il connaît les textes, il les dément. يكابر, ça veut dire il s'enorgueillit et il renie cela. Il dit c'est un mécréant, c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'islam. أما إذا كان متأولا أو مقلدا أو جاهلا فهذا لا يكفر. Il dit par contre si c'est quelqu'un qui a interprété les choses d'une autre manière, hein, ou bien qui a muqallid, il a suivi des gens qui disaient que adab al-qabr n'existe pas. La personne seulement n'a pas les capacités pour comprendre. Ou jahil, ou quelqu'un qui est ignorant. Ignorant, mais arsh, hada la yukaffar. Celui-là, on ne peut pas le déclarer mécréant. Lakin yudallal wa la yukaffar. On va dire, ani, dal, il est perdu dans sa conviction, dans des points, dans des domaines. Adab al-qabr, il n'y croit pas, donc il est perdu. Mais on ne dira pas que c'est un mécréant. قوله هو منكر ونكير. يا نصيتي منكر ونكير. منكر ونكير اسمان للملكين اللذين يأتيانه في سورة مروعة. يدي منكر نكير سي لو نوم دي دو زانج كي فون فينير في سورة مروعة. سي كوا مروعة؟ ايه بلوس كو سا تيريفيانت هورور سورة ها؟ ترويع روع يروع ترويعا الروع يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير كما جاء ذلك في الأحاديث رواه الترمذي في سننه وابن أبي عاصم في السنة والحارث بن أبي أسامة في مسنده وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه. دونك دي أي سابل منكر لوتري سابل يعني ان ولا ولا ولا نوم او بيان لو سيت كاين قال اه اي جديد لو تخباش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. قال الترمذي حسن غريب. يعني quand la personne elle a posé dans sa tombe deux anges noirs et bleus, أزوان أسودان ça vient de أسود noir, أزرقان c'est أزرق bleu, l'un il est nommé منكر et l'autre il est nommé نكير. Il dit que comme c'est venu dans le hadith, le cheikh Farah Ismail dans l'explication de Barbahari, il voit que c'est pas yani, authentique, tasmiya de Munkar et Nakir. Et Allah Alim, si ma mémoire ne me trompe pas, le cheikh Ibn Hassan Abad, il lui a demandé comment se fait qu'il y ait des anges dans l'Arba'a Nawiyya, comment se fait qu'il y ait des anges qui ont cette appellation. Munkar et Nakir, c'est des appellations qui sont. Fiha Basha'a. C'est. Qu'est-ce que Fiha Basha'a yani, là, Munkar et Nakir, c'est. Pas glorieux. Yeah, c'est des appellations qui sont rudes, haka, hein? Frère. il dit, cheikh, yani, c'est par rapport à leur état, comment ils vont venir yani, voir les gens. C'est pas, yani, c'est comme tu peux dire, c'est un wasf, haka, c'est une caractéristique. C'est sinon, c'est qui dit que... Cheikh Farah Ismail, Charh al-Barbahari, bête. Sinon, dans le poème Laysa al-Gharib, il le cite, l'auteur, la descendance de... زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يدي من منكر ونكير ما أقول لهم يعني يدي منكر ونكير vont venir me voir ما أقول لهم qu'est-ce que je vais leur dire. فهو جابها على أساس أنها ثابتة والشيخ إلى غمنا حديث الله تعالى عالم يدي الترمذي كي الترمذي ابن أبي عاصم مهم يزود سنبكون ابن حبان الله أعلم. نعم on passe au passage suivant. قال المؤلف رحمه الله والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون نبي حوض إلا صالحا عليه السلام فإن حوضه ضرع ناقته. Il faut avoir l'iman dans le bassin, le hawd du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. Chaque prophète a un bassin en dehors de Salih عليه السلام parce que son bassin était la mamelle de son chameau. Explication. كذلك من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالحوض. فالرسول صلى الله عليه وسلم له حوض. Fait de croire fermement au bassin. Il dit le messager صلى الله عليه وسلم il a un bassin. وكل نبي من الأنبياء له حوض ترده أمته. Chaque prophète il a un bassin. Que sa communauté, teriduhu, ça veut dire que sa communauté, elle va aller vers ce bassin. Elle va parvenir à ce bassin. Atteindre, voilà. Yenna na sayusibuhum atashun shadid. Les gens, ils vont être dans une soif, une énorme soif, une grande soif. Yahtajuna ila al-ma. Besoin d'eau. Wa hawdu nabiyina huwa a'zamu al-hiyad. A'zamu al-hiyad. Il dit. Il dit le bassin de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le plus valorisé ou peut-être le plus grand. Le plus grand, il y en a un ramène la taille. Et des bassins, طوله شهر, sa longueur est d'un mois, وعرضه شهر, et sa largeur d'un mois. ماءه أشد بياضا من اللبن. Son eau est plus blanche que le lait. وأحلى من العسل. Est plus sucré que le miel. Wa aniyatuhu adadu nujum is-sama. Ces récipients sont équivalents au nombre de d'étoiles dans le ciel. Man yashrabu minhu sharbatan lam yadhma ba'daha abadan. Celui qui boit de ce bassin-là, ne serait-ce qu'une fois ou bien que peu, il ne dhama, c'est quoi dhama? L'atash. Dhama huwa al-atash. Comme dans le hadith quand tu rends sang, dhahaba dhama. Certains savants l'ont identifié, d'autres ils ont dit en effet et kalam. Lam yadhma ba'daha abadan. Il n'aura plus jamais soif après cela. Hadith warada fi dhalika hadith mutawatira minha ma rawahu muslimun fi sahihihi an Abdillah ibn Amr ibn al-As qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hawdi masiratu shahrin wa zawayah sawa wa ma'uhu abyadu min al-warq min al-warq wa rihuhu atyabu min al-misk. وكيزانه كنجوم السماء فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. وروى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حوضي أبعد من شنو؟ أيلا كوزا ديستانس من أبعد من أيلة من عدن. أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن. احتمال نوال. وأحلى من العسل باللبن ولانيته عنكم ولا آنيته ولا آنيته أكثر من عدد النجوم من عدد النجوم. وإني لا أصد الناس عنه كما يصد الرجل أيل الناس عن حوضه. أيل الناس عن حوضه. قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال نعم. لكم سيما ليست لأحد من الأمم تردون علي غرة محجلين من أثر الوضوء ولا يصدن عني طائفة منكم فلا يصلون. فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي؟ فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدث بعدك. حديث سور الحوض. Donc il dit, اختصار, premier hadith, il dit mon bassin a une durée de masira, Allah a'lam, c'est de marche. Allah ta'ala a'lam, masira, est-ce que marche, ou la haja ou la char, d'un mois. Wazawaya, sawa. Zawaya, c'est les coins. يعني سي لا ميم طاي لونغور لارجور. وماءه ابيض من الورق. Son eau est plus blanche que الورق. سي l'argent مش عارف اسكو قلنا. ريحه اطيب من المسك. Son odeur est plus et meilleure que le musc. وكيزانه. الكيزان سي الاواني ها وي لي ريسيبيون سون كومبارابل او باراي ميم نومبر كو لي ايتوال دو سييل. Celui qui boit n'aura plus jamais soif après cela. Et un autre hadith, Haoudi, mon bassin est plus lointain que donc Aïlat min Adan. La voilà, monsieur, on verra la semaine prochaine. Je vais demander. C'est pas la ville Aden en Syrie. Hein? Aden. C'est pas une ville. Aden, c'est Yémen. Yémen, c'est Yémen. Ils disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a caractérisé le Haoud. Fait un hadith, il a caractérisé de l'Irak. À une ville Najd. Dans un autre hadith de Yémen, avant Sana'a, jusqu'à Mecca. Il a dit pourquoi il a utilisé d'autres villes. Parce que les gens, hasab la personne. Il y a des personnes, مثلا, tu lui dis de tel endroit, il te dit je comprends pas. Ça, qui te goulo, un endroit que lui connaît, tel endroit, il comprend. Et d'ailleurs, il a pris plusieurs unités de mesure. Il dit donc, son eau est plus blanche que la neige. Est plus sucré que le miel et que le lait et certes ces récipients sont plus nombreux que le nombre d'étoiles et certes je vais venir et je vais ça veut dire je vais repousser des gens, je vais pas les laisser s'approcher de mon bassin comme quelqu'un il repousse il nas an hawdihi il a donc Allahu alam c'est quoi des gens de son bassin. Ils ont dit au messager d'Allah, tu vas nous reconnaître ce jour-là? Ibil. Comme l'un d'entre vous, donc il repousse son chameau, Ibil al-Nas, il y a le chameau des gens, sur son bassin. Il ne veut pas qu'il boive son bassin, donc il repousse, il saute d'eau. Qal at'arifuna. Ils lui ont dit, est-ce que tu vas nous reconnaître ce jour-là? Il va dire oui, parce que vous avez Sima. Sima, c'est les traces. Ouais. On peut vous reconnaître. Laisset li ahad min al umam. Il y a pas un de la communauté qui a des autres communautés qui a comme vous. Hein? Vous allez venir vers moi, ghurra muhajjalin. Ghurra muhajjalin, c'est-à-dire les bras et les endroits où on a fait le wudu avec clarté hakka dessus. Min athar al wudu. À cause des traces des ablutions et certes je vais rejeter une partie d'entre vous. Ils vont pas parvenir. Je vais dire, oh mon Seigneur, هؤلاء من أصحابي. Voilà, صدنا عني. Il y a des gens qui vont pas pouvoir parvenir à moi, et je vais demander à mon Seigneur ce sont mes compagnons, un ange va me répondre, tu sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait après toi. Ça c'est un des hadiths qu'ils ont utilisé, Rafida, pour dire que sahaba minhum kuffar. Parce qu'ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ashabi, ashabi, mes compagnons. Hein? Les ulama lahum ajwiba ala hada, minha, ils disent, ta'ifa, certains, ça se peut que ce soit des munafiqin. Il y a des gens, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont définition du sahabi, c'est quoi? Quelqu'un qui a vécu pendant la même période que lui. Qu'il a vu même une heure, une minute, c'est un compagnon. Mais ceux qui sont aveugles, ils n'ont pas vu. Rencontrer. Mal laqiya. Mal laqiya, Ibn Hajar, on a dit dans Nukhbat al-Fikr, mal laqiya al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui rencontre le messager sallallahu alayhi wa sallam, mu'minan bihi. Il croit en lui. ومات على الإسلام il est mort sur l'islam وإن تخللت ردة في الأصح même si entre temps il a apostasié. Entre temps la personne elle est devenue mécréante et elle est revenue à l'islam comme certains ils ont fait. Donc il y a des gens, il y en a, disent les savants, il y a des gens, ils faisaient partie des caractéristiques, ces caractéristiques là c'est à dire ils ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont cru en lui et ils sont morts sur l'islam en apparence. Le prophète sallam ne connaît pas ce qu'il y a dans le cœur des gens si Allah ne lui montre pas qu'est-ce qu'il y a dans le cœur des gens. Tabitali, il va les considérer comme étant des compagnons à lui. Ils ont les traces de l'wudu, etc. C'est pour ça qu'il va. C'était des munafiqin. Et d'autres بعد استقرار في الجنة. أظن الشيخ عبد الله السدحان يقول في العرصات. Ils disent, يعني c'est quoi qui précède l'autre? Il dit, Cheikh Abdel Al-Sadhan, il dit, Asah, à quoi l'ulama, Wallahu Alam, c'est que, il y a d'abord le Haoud, après le Mizan, après Sirat. Et il dit, si tu veux le retenir, tu retiens le mot Hims. Hims. Après, il leur a dit, celui qui a faim, il retient Hummus. Comme ça, il n'oublie pas. Le Haoud, Mizan, Sirat. Et où fait khilaf ben l'ulama? Est-ce que c'est avant ou là, après? Ou Sirat, il kun qabl le dukhul fil jannah. Il y en a ba'd Sirat, qui est un qintara, ou ba'd qintara, dukhul fil jannah. Donc c'est avant, fait l'arasat, ça c'est dans la plateforme de la résurrection. J'ai entendu dans une réplique comme quoi les compagnons, et les compagnons rapprochés, compagnons, c'est ceux qui l'accompagnent. Et dans le hadith où ils ont su les munafiqin, tu vois, c'était qui? Et un compagnon il voulait les tuer, il a dit veux-tu que Mohamed, les gens disent que Mohamed tue ses compagnons, il a utilisé le mot compagnon pour munafiqin, tu vois. Donc c'est spécifique à ces. Les savants ils ont plusieurs répliques, il y en a sur ça. Parce que Rafida, ils ont pris des textes, ils sont allés loin pour dire, il a dit Ashabi, et ça veut dire c'est mes compagnons. Hein? Là, il y a plusieurs ihtimalat. Il y a des gens, fi'lan, ils étaient Sahaba ou Rtaddu. Hein? Abu Bakr, radiallahu anhu, quand il a fait Hurub Ridda, Abu Bakr, il est resté que 2 ans et 3 mois califat. Donc, après la mort du prophète, il y en a qui ont apostasié. Beaucoup de gens qui ont apostasié. Il y en a, ils sont revenus à l'islam. Il y en a, ils sont restés. On a vu le toit, la parole du Cheikh Najmi. Il a cité une personne qui est sortie de l'islam et il est revenu. À l'époque de à l'époque où il est de Omar, quelque chose comme ça. Il est revenu à l'islam. Les savants, ils ont des explications là-dessus. Le morceau de Hanaya, c'est pas le Sahaba. C'est pas les compagnons comme c'est. Aqidat al-Sunnah wal-Jama'a. Yudad, ça veut dire on va les rejeter, on va les éloigner. Hein? Le murtaddun, c'est les apostats. Alladhina irtaddu ba'da ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, le cheikh dit ceux qui ont apostasié après la mort du messager. Wa yudadu anhum man kadhaba bihi wallahu a'lam min ahli al-bid'ah. Il dit on va repousser aussi ceux qui ont démenti al-Hawd. Ceux qui ont démenti al-Hawd. Ceux qui ont démenti le bassin, min ahl al-bid'ah, on va les repousser. Comme ils ont dit certains savants, ils ont dit puisque tu dis qu'il n'y a pas de Hawd, eh ben t'as la bonne récompense pour toi, c'est que tu bois pas. Minhu yawm al-qiyamah. Madame, tu dis qu'il n'y en a pas, fa ani la taridu. Fahamtou les ikhwa? Est-ce que les mubtadi' en général ils rentrent dans le hadith sans démentir le bassin? Yani al-Sheikh hana yajibha wallahu a'lam yani. كأنها بين وبين يذاد عنه من كذب به والله أعلم من أهل البدع يعني ceux qui ont démenti le bassin ils vont être rejetés الله أعلم فهمت tu veux dire que les innovateurs en général ils vont être repoussés du bassin parce que il y a un hadith qui était plus grand il disait quand il venait il y avait trois types après il le rejetait à chaque fois Et je sais pas si les innovateurs en général ils rentrent dedans. Non, allez, merci. T'as reçu un chalet. Oui. Dans un complément du hadith, là, le hadith là qu'on a là, quand il dit tu sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait après toi, dans un complément du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va dire bu'dan bu'dan, et dans une autre version suhqan suhqan, ça veut dire puisque yani que éloignez-les, bu'dan c'est loin loin, suhqan c'est Allahu alim, c'est même un mot plus fort dans le sens madame vous yani vous les avez saddou, vous les avez pas laissé parvenir à, au bassin. Eh bien, yani continuez, yani éloignez-les du bassin. Ce complément, il est aussi dans le Mouata de Mamel. Il est traduit par. Inch'Allah, Cheikh Hicham. Mouata. Le complément, t'es à loin, loin. Les écrabouilles, il est traduit par ça dans le. Sork. Yani, Cheikh ici, il s'est arrêté à. Ah, c'est lui qui mène le ta'liqat hado. Il s'est arrêté à. ما حدث بعدك ان شاء الله جو فوار سي تروفي بعض التفصيلات شيخ عبد السدحاني لا نظن لكن جي با بري نوت سور منظومه هذه تاع ابن طاهر جي با بري اني نوت الى دوني فوائد تري بون فوائد يعني سور سور سو بوين لا سي كوا منظومه سي ان بويم دون العقيده دان سافون دو 5e سيكل سي مي تروم با منظومه طيبه يعني با لونغ مي مليحه في العقيده يا كان تي كومونتير سور دي شوز mais dans l'ensemble les biens. Et deuxième parole, warada fi hadith Samura. Warada dhalika min hadith Samura. Donc ça c'est la suite, c'est la suite. On s'intéresse. Non, c'est partie de qawluhu. ولكل نبي حوض إلا صالح إلا صالح عليه السلام فإنه حوضه ترعى ناقته. Donc chaque عندك ترجمة. Chaque prophète a un bassin en dehors de صالح عليه السلام parce que son bassin était la mamelle de son chameau. هذا الاستثناء لم يثبت فيما أعلم والصواب أن لكل نبي حوضا كما جاء في الحديث. الشيخ يعني رد على البربهاري قال لك cette exception comme quoi صالح عليه السلام. Le prophète Salih alayhi salam, il n'a pas de bassin. Ils disent, yani, c'est pas authentique. Au sawab, et la parole juste, c'est que chaque prophète, il aura un bassin, comme c'est venu conformément à ce qui est cité dans le hadith qu'on a vu avant. Warada dhalika fi min hadith Samura ibn Jundub radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi salam, inna li kulli nabiyyin hawdan, wa innahum yatabahawna ayyuhum aktharu waridatan, wa innama, wa inni arju an akuna aktharuhum, واردة أكثرهم واردة رواه البخاري في التاريخ الكبير والترمذي وابن أبي عاصم في السنة وطبراني في المعجم الكبير وصححه الحافظ المزي بطرقه كما ذكره ابن كثير في تفسيره فجوس رمل الحديث يعني كم كون شاك بروفيت il aura un bassin il y a pas يعني d'exception والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين يوم القيامة وعلى الصراط ويخرجهم من جوف جهنم وما من نبي إلا وله شفاعة وكذلك الصديق والشهداء والصالحون ولله بعد ذلك تفضل كثير على من يشاء والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. Dans l'intercession, shafa'a, du messager d'Allah, pour les coupables de péché le jour de la résurrection, ceux se trouvant sur le pont Sarat, pour ainsi les faire sortir du feu de la Jahannam. Il y a l'intercession pour chaque prophète, Nabi, et également pour les véridiques, Sadiqin, les. Sadiqin. Les martyrs, les shuhada, et les pieux sincères, les salihin. Après cela, Allah accordera sa grande grâce à qui il veut et il sortira du feu, an-nar, ceux qui auront été brûlés et réduits au charbon de bois. شيخ أحمد نجمي دي وأقول حوض النبي صلى الله عليه وسلم حوض عظيم كما بين صنعاء وأيلة. أيلة سان أندوا كما بين صنعاء وأيلة. إلهام. هذا الوصف الذي ذكره شيخنا أحمد لحوض النبي صلى الله عليه وسلم ورد في صحيح الإمام البخاري في كتاب الرقاق باب في الحوض من حديث أنس بن مالك, وأخرجه مسلم في الفضائل باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. Et concernant la قصة قضية صالح, صالح يعني لا با دو فإن حوضه ضرع ناقته. يقول المحقق, المحقق دي ليفر كي الدكتور محمد بن سعيد القحطاني في طبعة دار ابن القيم دي لم أجد دليلا على هذه المسألة. جي با تروفي يعني بروف سور سو سوجي باغي كو شيخ صالح الفوزان. فأرجو من أخي القارئ الكريم يدي أنا جو دوموند توت بيرسون كي لي سا سي تروف ان تكست إن وجد شيئا حول هذا أن يرشدني إليه. سي تروف كيلكو شوز كي مورينت فيغ فالعلم رحم بين أهله, رحم بين أهله. يدي لا سيونس سي ان سي كوم ان ليان دو بارونتي و ان ليان دو بروكسيميتي انتر سي زادبت. فهمتوا؟ اي باختصار ان شاء الله جو ريغاردري دو نوفو الشرح و جو فو ديغي السيمين بروشين فوايد زايده. T'as lu en français? Ouais. Non, non. Mais non, sol, Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Vraiment, t'as pas le frère, il fait 1h05. J'étais le Maghreb, c'est grippe. Non, pas rien de. Quand j'ai un frère, il a pas compris Haja ou là, parce qu'après, il y a 7 pages. Sinon, on va. Et on va déborder si. Mais on ne peut pas s'arrêter au milieu d'un truc. Il faut un petit passage barbahari, le cheikh il l'explique après. Inch'Allah. Moi j'ai une question sur les délices de la tombe. Ça va dépendre de quoi qu'elle sera grande ou elle sera grande ou elle sera petite. Des bonnes actions. Selon les bonnes actions, oui. Et comment on va calculer les bonnes actions? Parce qu'on va passer avant la balance. Ça veut dire comment on va calculer les bonnes actions? Comment tu sais si tu fais partie des gens du délice, c'est sûr. Voilà. C'est pas par rapport aux questions de mon, laquelle. Par rapport à comment tu vas répondre? Voilà, si jamais tu réponds bien, ben t'as pas ta tombe ben, c'est élargie et tu réponds mal, c'est écrasé, non? C'est ça qui est cité dans le hadith, y'a que ça qui est cité dans le hadith. En délice pour les musulmans. Non, vraiment, tu meurs. Yanni, tu vois pas quel endroit tu vas être déjà? Si. La personne avant de mourir, il voit une écrasse. Non, mais. C'est venu dans un hadith aussi, quoi, l'ulama aussi. Mais sur ça, Allah alama, narfouana, qu'est-ce qui est cité dans le hadith? Et Cheikh Fawzan, il l'a cité dans 40 Nawawi, on l'a vu. Dans l'Usul Talata, on l'a vu. Ici, il y a le même hadith. Comme quoi, si la personne, elle répond bien, ou na'im, yani sa tombe, elle s'élargit, ou kada, ou kada. Et si jamais c'est le contraire, yani la tombe, elle se. Wallahu ta'ala, yani ma'andish, ziyada ala hada. Donc ça veut dire, dans l'hypothèse qu'il y a une personne qui. Les deux personnes, elles répondent bien. Une, elle a, on va dire, un million de bonnes actions. Même délice. Inch'Allah, on trouve le sujet. Allahu a'lam. Bachir, innahum yatabahoun. Tabahouna. Min al-tabahi. Ils vont se vanter les uns les autres. Yani, hadha hawdi, l'akhor yqulu la. Kama min alamat al-sa'a, tabahi bil masajid. Yani, les gens. Hein? Eh, tabahoun, kama gal bil adad. Yani, chacun il espère qu'il y a plus de gens qui vont venir à son haoud. Hamt? Vantardise. Chaque prophète il veut qu'il y a plus de gens qui viennent à son haoud. C'est la communauté qui a pris. Ouais, chaque communauté trouve un de. N'am? Anbiya ou la. Hal al-amal. Youssef, c'est quoi ta question? C'est quoi ta question de nouveau? Comment on va calculer le degré, le. Je sais pas comment. Est-ce que les actes ils ont une répercussion sur le degré du délice, Fella? Voilà, exactement. Qu'est-ce qui fait Jibtal Kbir? Hein? Malak, c'est juste un aperçu. راه تنكرنا داك هذا في القبر ونعيم القبر. لا ما فهمتنيش. مش يعني قصدي. مي البخشي كيف بنعني سي بون زاكسيون. قصدي سمعت فوق يعني كون فضل عز وجل نعمه يعني. ان شاء الله. من بعد الدرجه الحقيقيه في الجنه. ومن بعد الحساب. وصارت ان شاء الله هنايا. هذا والله اعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.